الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به عن امته الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون إن الابتلاءات سنة ربانية اقتضتها حكمة الله تبارك وتعالى في هذه الدار لتكون دارا للامتحان في الشهوات والفقر والمرض والخوف والنقص في الأموال والأنفس والثمرات كما يكون الابتلاء بكثرة الأموال والأولاد والصحة قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ومن جملة الابتلاءات الأمراض حيث يبتلي الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده أيها المسلمون اعلموا جميعا أن الله جل جلاله لا يقضي شيئا كونا ولا شرعا إلا وفيه الخير والرحمة لعباده وللأمراض والأسقام فوائد عظيمة وحكم بالغة لو تأملها المسلم حق التأمل لأدرك بيقين أن المرض نعمة ومنحة من الله تبارك وتعالى ساقه إليه فمن ثمرات المرض وحكمه أن الله تبارك وتعالى يستخرج من المريض عبودية الضراء وهي الصبر وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله تبارك وتعالى الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم والمصائب والآلام ملازمة للبشر ولا بد لهم منها لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى قال الله جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحبة يقول فمن ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء فمن أطاع الله تبارك وتعالى في ذلك كان سعيدا ومن عصاه في ذلك كان شقيا شيخ serviteur d'Allah craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, les épreuves sont une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala liée à sa sagesse ici-bas, afin que ce bas monde soit une demeure d'épreuve dans les plaisirs, la pauvreté, la maladie, la peur, dans la diminution des biens, des personnes et des fruits. Mais les épreuves sont aussi par le fait de posséder beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants et la santé. Allah dit dans le Coran, nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Chers musulmans, parmi les épreuves de ce bas monde, les maladies, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala éprouve qui il veut parmi ses serviteurs, Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décide une chose pour son serviteur sans que ce ne soit un bien et une miséricorde pour lui. Et les maladies possèdent de nombreuses vertus et de grandes sagesses. Si le musulman les méditait, il réaliserait avec certitude que la maladie est un bienfait et un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Parmi les fruits de la maladie, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala oblige le serviteur à l'adorer, ou bien oblige son serviteur à ce que l'on appelle l'adoration de l'adversité, c'est-à-dire la patience. Et cela ne peut avoir lieu que si Allah subhanahu wa ta'ala change la situation du serviteur afin qu'apparaisse sa sincérité dans l'adoration d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une chose mauvaise, ou bien s'il lui arrive une chose bonne et qu'il se réjouit et qu'il remercie, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Et cela n'est possible que pour le croyant. » Le hadith est rapporté par Muslim. Donc, les catastrophes et les douleurs sont liées au serviteur afin qu'apparaisse sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, celui qu'Allah éprouve par des choses amères, comme la misère, la maladie et le combat, ou une restriction de biens, cela n'est pas un mépris d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, au contraire, c'est une épreuve. Celui qui obéit à Allah pendant cette épreuve sera heureux, quant à celui qui lui désobéit, il sera malheureux. Ibad Allah. ومن فوائد المرض تكفير الخطايا والسيئات التي يقترفها العبد بقلبه ولسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه. فإن المرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع من العبد لقول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلج يعني مرض ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر رواه الطبراني في الصغير. وتعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا خير له من عقوبة الآخرة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تبارك وتعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي. شكر كتاب الله. Parmi les bienfaits de la maladie, le fait que ce soit une expiation des péchés et des erreurs que commet le serviteur avec son cœur, avec la parole, avec la vue, avec son ouïe et avec tout son corps. Car la maladie, peut-être que c'est une punition d'Allah pour un péché commis. Allah dit dans le Coran, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une veine ou un œil qui ne soit perturbé sans que cela soit dû à un péché commis, et ce qu'Allah repousse est encore plus grand, rapporté par At-Tabarani, filmoi Jalis Sarir. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse le serviteur ici-bas est mieux pour lui que d'être puni dans l'au-delà. Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah veut faire du bien à son serviteur, il lui inflige la punition pour le péché qu'il a commis dans la vie présente, sans délai. Et s'il veut lui faire du mal, il ajourne sa punition jusqu'au jour du jugement dernier, rapporté par At-Tirmidhi. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun musulman ne subit un mal comme la maladie ou autre sans qu'Allah efface ses péchés comme l'arbre perd ses feuilles, rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur corps, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans avoir à répondre d'aucun péché, rapporté par Al-Tirmidhi. Ayyuha al-ikhwat al-kiram, wa min fawa'id al-marad kitabatu al-hasanati wa raf'u ad-darajat. Fa'an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taraqahu waja' فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة، فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. رواه أحمد. وقد يكون للعبد المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى ولم يكن له من العمل الذي يبلغه تلك المنزلة، فيبتليه الله تبارك وتعالى بما يكره حتى يكون أهلا لتلك المنزلة فيصل إليها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله تبارك وتعالى يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه ابن حبان. Chaque croyant, parmi les bienfaits de la maladie, le fait que sont inscrites des bonnes actions pour le malade et qu'il se voit élevé en degré. La mère des croyants, Aisha radiallahu anha, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a ressenti une douleur et commença à se plaindre et à se retourner sur son lit. Aïcha dit alors: si l'un d'entre nous avait fait cela, cela t'aurait déplu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: les choses sont plus dures pour les vertueux et il n'y a pas un malheur qui atteint le croyant, une épine ou plus, sans que ses erreurs soient effacées et que ses degrés soient élevés, rapportés par Ahmed. Il se peut donc que le serviteur possède un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il ne possède pas les œuvres l'élevant à ses degrés. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par ce qu'il déteste jusqu'à ce qu'il mérite ce degré élevé. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: parfois un homme a un certain statut chez Allah qu'il ne parvient pas à atteindre par les œuvres. C'est alors qu'Allah ne cesse alors de l'éprouver avec ce qu'il déteste jusqu'à ce qu'il lui fasse parvenir. Rapporté par Ibn Hibban. المرض يا عباد الله سبب في دخول الجنة، لأن الجنة لا تنال إلا بما تكرهه النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم. والمكاره تشمل مجاهدة النفس في القيام بالطاعات واجتناب المحرمات والصبر على المصائب والتسليم لأمر الله جل جلاله فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعه عن ربه جل وعلا: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي يعني عيني فصبر إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما بالجنة. رواه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إلا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وفي المرض سبب النجاة من النار، فلقد عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا ومعه أبو هريرة رضي الله عنه في وعك يعني في حمى كان بهذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري، يعني هذه الحمى هي ناري، أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه الحاكم. شيخ عبد الله، la maladie est cause d'entrer au paradis, car le paradis ne peut être atteint que grâce à des choses que déteste l'âme humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le paradis est entouré de désagréments et l'enfer est entouré de plaisirs, rapporté par les Bukhari et Muslim. Les désagréments englobent le fait de combattre son âme pour accomplir les obligations religieuses et délaisser les interdits, et également patienter au malheur et se soumettre entièrement à Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a dit, si j'éprouve mon serviteur par ses deux bien-aimés, c'est-à-dire ses yeux, et qu'il endure cela, alors je l'en récompense par le paradis, rapporté par Al-Bukhari. Et il dit également dans notre hadith divin, je n'ai que le paradis comme récompense pour mon serviteur croyant, à qui j'ai enlevé son enfant chéri, qui endure sa mort et en espère la récompense d'Allah, rapportée également par Al-Bukhari. Et la maladie est également une cause de secours contre le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a visité un malade accompagné de Abu Huraira. Ce malade était fiévreux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sois heureux car Allah a dit, elle est mon feu, c'est-à-dire la fièvre, et mon feu que je lance sur mon serviteur croyant dans ce bas monde, afin qu'il soit sa part du feu de l'autre monde, rapporté par Al-Hakim. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-Hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون، من حكمة المرض أنه يرد العبد الشارد عن ربه إليه ويذكره بمولاه بعد الغفلة ويكفه عن معصية بعد الانهماك فيها، فإن الصحة والملذات والمال والشهوات قد تطغى العبد وتغره فيلهمك في المعاصي والغفلة. فإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض أو غيره واستشعر ضعفه وذله وفقره إلى خالقه ومولاه وتذكر تقصيره في حقه عاد إلى ربه نادما ذليلا ومتضرعا. عاد سلمان الفارسي رضي الله عنه مريضا فقال له أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله تبارك وتعالى له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوا فلا يدري لما عقل ولما أرسل رواه البخاري في الأدب المفرد. والمعنى أن الفاجر لم يؤثر عليه المرض فلم يرجع إلى ربه ولم يعرف أن المرض نزل به لإيقاظه من الغفلة وإرجاعه إلى الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله ما يكره العبد خير له مما يحب لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء وما يحبه يلهي رواه البيهقي في شعب الإيمان. Chers frères et sœurs, également parmi les sagesses de la maladie le fait qu'elle permette aux serviteurs égarés de revenir vers son Seigneur. La maladie lui rappelle son Seigneur après l'insouciance et elle lui permet de délaisser les péchés après l'exagération. Car la santé, les plaisirs, les richesses prennent souvent le dessus sur le serviteur et l'aveugle et le font plonger dans les péchés et l'insouciance. Puis, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par la maladie ou autre, cela lui rappelle sa faiblesse et sa soumission et le besoin de son Créateur et de son Seigneur. Il se rappelle sa négligence envers lui et il se répand en regrettant, soumis et l'implorant. Salman al-Farisi, le célèbre compagnon, visita un jour un malade et lui dit « Sois heureux car Allah fait que la maladie du croyant soit une expiation de ses péchés et la maladie du pervers est comme le chameau. » La maladie du pervers est-elle un chameau qui a été attaché par ses propriétaires, puis ils l'ont libéré. Alors, il ne sait pas pourquoi il a été attaché, ni pourquoi il a été libéré, rapporté par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab Al-Mufrad. C'est-à-dire que le pervers, la maladie, n'a aucun impact sur lui. Il ne revient pas vers son Seigneur, et il ignore que la maladie est venue à lui pour le réveiller et le ramener vers la vérité. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: un malheur qui te rapproche d'Allah est meilleur pour toi qu'un bienfait qui te fait oublier Allah. Et Soufiane Ibn Uyayna rahimahullah disait: ce que déteste le serviteur est mieux pour lui que ce qu'il apprécie, car ce qu'il déteste le pousse à l'invocation et ce qu'il aime le distrait. وفي المرض يتذكر العبد نعم الله السابقة والحاضرة فكم منحك الله أيها المريض من نعمة وكم دفع عنك من مكروه وكم أنستنا النعم والصحة فضل الله تبارك وتعالى ولكن المرض يذكر أيام الصحة فكم من أوقات كثيرة وسنوات عديدة والعبد فيها طريقا من المرض فتذكر أيها المؤمن النعم الحاضرة فلقد بقي معك العقل وسلامة الأعضاء فاحمد الله تبارك وتعالى واشكره على ما أنت فيه من نعم لا تستطيع لها عدا قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Chers musulmans, pendant la maladie, le musulman se rappelle les bienfaits d'Allah passés et présents. Combien Allah t'a donné comme don et combien de mauvaises choses a-t-il éloigné de toi, et la santé et les richesses t'ont fait oublier la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la maladie nous rappelle les jours de bonne santé. Combien de jours et combien d'années pendant lesquels le serviteur est libre de toute maladie et il se rappelle également les bienfaits présents. Peut-être que tu es malade pendant une semaine, pendant un mois, mais pendant des années tu as été en bonne santé. Et il faut également se rappeler les bienfaits présents, car la raison est encore là et le reste du corps est encore sain. Donc, il faut donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, car tous ces bienfaits ne peuvent être dénombrés. Allah dit dans le Coran: et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Ibadallah. Yaqul Ibn Qayyim rahimahullah fi kitabihi Zad al-Ma'ad: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه وعاجلا ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا كما قيل قد ينعم بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. أيها المؤمنون, لقد كان الصالحون في الأزمنة الماضية يفرحون بالمرض والبلاء ويعدونه نعمة كما يفرح الواحد منا بالرخاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه منهج السالكين: ولو رزق العبد من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية ولتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. هذه كانت حال السلف رحمهم الله. فالمؤمن العاقل من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنى. فالراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: منعه عطاء, منع الله تبارك وتعالى عطاء, وذلك أنه لم يمنع عنه بخلا ولا عدما, وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن النظر. شخص كتاب الله ابن القيم nous dit: sans l'épreuve de ce bas monde et ses catastrophes, le serviteur serait atteint par la maladie de l'orgueil, la vanité, tel un pharaon, et la dureté du cœur qui le mènerait à sa perte ici-bas ou dans l'au-delà. C'est pour cela que les gens vertueux, dans les époques passées, étaient heureux lorsqu'ils tombaient malades et lorsqu'ils étaient éprouvés, et ils considéraient tout cela tel un bienfait, comme l'un d'entre nous pourrait être heureux lorsqu'il est à l'aise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'un d'entre eux, c'est-à-dire les gens vertueux, était heureux d'être éprouvé comme l'un d'entre vous l'est lorsqu'il est à l'aise, rapporté par Ibn Majah. Voilà comment étaient les pieux prédécesseurs. Donc, le croyant sensé Et celui qui considère les épreuves telles une protection, et la privation telle un bienfait, et la pauvreté telle une richesse. Les bienfaits d'Allah sont également des choses que tu n'apprécies pas. Et ces bienfaits sont plus nombreux que ceux que tu apprécies. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, dit « Le fait qu'Allah te prive de quelque chose est en soi un don. » Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prive de quelque chose est en soi un don, car il ne t'a pas privé de cette chose par avarice ou par incapacité. Non, il t'en a privé car il a observé le bien pour son serviteur et il en a privé par choix et par bonne observation. Ayyuhal muslimun. كلما كان العبد أتقى لله تبارك وتعالى كلما كان البلاء عليه أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي. ولما كان الأنبياء والصالحون هم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى كان بلاؤهم أشد من غيرهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وكذلك عليه على المريض أن يستبشر، لأن ما أصابه من مرض فمنعه من بعض الطاعات وحبسه عما كان يعمل من الصالحات، فعليه أن يستبشر فإن أجره جار وعمله مستمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. Chers musulmans, plus le serviteur est pieux, plus ses épreuves sont dures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. » Allah le Très-Haut, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah le Très-Haut, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui, rapporté par At-Tirmidhi. Et vu que les prophètes, les vertueux, sont les êtres les plus aimés d'Allah, leurs épreuves sont plus dures que celles des autres. Sa'd ibn Abi Waqqas un jour a dit « Ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ceux qui ont les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, puis ceux qui les suivent. L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il tient bien à sa religion, son épreuve est plus difficile. Et s'il est souple dans sa religion, il est éprouvé selon sa religion. Et le serviteur ne cesse d'être soumis à l'épreuve jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché. » Rapporté par At-Tirmidhi. Donc, ô toi musulman, ô toi musulmane, qui est atteinte d'une maladie, sache qu'il faut être heureux pour cela, car cette maladie qui t'empêche d'accomplir les adorations, et cette maladie qui te prive de ce que tu faisais comme œuvre pieuse lorsque tu étais en bonne santé, sois heureux de cela, car ta récompense continue d'être inscrite et tes œuvres sont ininterrompues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur tombe malade ou est en voyage, il lui est inscrit ce qu'il accomplissait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Rapporté par Imam al-Bukhari, sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsana. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل مرض المرضى كفارة لذنوبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد بأموالهم وبأعمالهم وبدعواتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في إيمانهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي كل شؤونهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قبل الصلاة إن شاء الله المدرسة، مدرسة الإمام الغزالي، تبحث عن مخرج لإنشاء يعني مسرحية للأطفال، وكذلك تبحث عن مصمم يعني مختص في المواقع الإلكترونية، وكذلك تبحث عن مصور فوتوغرافي. فمن كانت له يعني كفاءة في هذه المجالات فعليه أن يتصل بالمسجد أو يأتي المسجد أو يتصل بمدير المدرسة. Donc, l'école El Ghazali, donc avant la prière, elle recherche un metteur en scène, donc pour mettre en scène une pièce de théâtre avec les enfants. Et également, elle recherche un photographe et un concepteur de site internet. Donc, toute personne qui est concernée par ces disciplines, qu'il rentre en contact avec l'école, avec la mosquée ou bien avec le directeur de l'école. كذلك, بعد الصلاة يعني يلزموا أمكنتكم سنصلي على طفل توفي. Donc après la prière, restez tous à votre place. On va faire la prière sur donc un enfant qui est décédé. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.